Tout le monde, cette conférence. Ce soir, le sujet est être ici maintenant. Bonsoir, Daniel. L'humain vit beaucoup de problèmes. Dès qu'il se lève, même la nuit, dès qu'il se lève le matin et jusqu'au coucher, et même la nuit. Il y a un extraterrestre un jour qui a dit que l'humain, c'était des problèmes. Pour eux? Ah, pour l'humain. Pour tout le monde. C'est un tas de problèmes. Disons. Peut-être pas un tas. Non, effectivement, l'humain, c'est problématique. L'humain. Quand on parle d'être humain, quand on parle d'humain ou quand on parle d'animal humain, on parle toujours de problème. De problème relié à l'existence de l'humain ou l'humain, lui, individuellement. L'humain est un ramassis de problèmes pour lui-même. Il est un ramassis de problèmes pour autrui. Et il n'est pas un problème au niveau de la création, c'est une solution. Mais pour l'instant, l'humain est un phénomène problémal. Bon, il est constitué de problèmes, il n'est pas problématique pour le cosmos. C'est une solution pour le cosmos. Sauf que l'être humain, c'est un problème vivant. Alors c'est un problème qui déambule sur le trottoir et qui regarde autrui. Puis ils trouvent qu'ils sont mal habillés. Ils trouvent qu'ils sont bien habillés. Ils trouvent que l'automobile qui est là vient de démarrer trop rapidement. Ils trouvent qu'il aurait dû avoir un policier sur ce coin-là parce que l'autre là-bas, il a tiré sa jaune et rendu orange. Et etc. C'est un problème humain qui déambule. Après ça, à un moment donné, bien là, ils regardent des vitrines. Puis là, ils se disent, ah, j'aurais plus d'argent. Puis s'il y en a, bien là, c'est pas long qu'il n'a plus. Et puis ils continuent à déambuler. Et puis après ça, il s'en va à cette Diary Queen, il va se chercher des choses qui sont pas bonnes pour la santé. Et puis après ça, il sort de là tout fier de lui d'avoir mangé deux hot dogs et un carnet. Et puis après ça, il se plaint qu'il a mal au ventre. Puis il continue à déambuler dans des souliers qui font mal aux pieds, mais qu'il trouve très beau, mais qu'il n'aurait jamais dû acheter. Et puis comme ça, il s'en va. Il déambule. Il rentre chez lui, s'assoit devant la télévision, parce que l'humain doit tuer le temps. Puis le temps, c'est lui. C'est important. Alors l'humain tue le temps. Comme ça, il va mourir, puis il a hâte d'être rendu à la fin. C'est tout le temps. Bon, c'est un passe-temps. Il s'occupe. Alors, il allume la télévision, et puis là, ben là, il trouve que c'est plat. Il chiale encore. Bon, il change de poste, il change de chaîne, parce qu'il y a trop de commerciaux. Puis à un moment donné, ben là, il trouve que certains commerciaux sont beaux. Là, il ne se rend pas compte qu'il se fait ramasser par le commercial, après ça, il va l'encore acheter. Ou ben non, il va simplement avoir des problèmes de ne pas pouvoir acheter. Bon. Mais tout ça, ça ressemble à l'humain. L'humain fuit la vie, finalement. Oui, l'humain se fuit lui-même. Tu sais, les humains à problème, tu vas quelque part où il y a des kiosques de l'Auto-Québec, puis tu vois plein d'humains problématiques en ligne. L'humain est un problème. Tu vas dans les hôpitaux, tu vois, l'humain est obligé de travailler, c'est déjà un gros problème. L'humain est un phénomène problémal. L'humain est un problème, pour l'humain. On ne parlera pas de la guerre Irak-Koweït, États-Unis, coalition. On ne parlera pas des meurtres, on ne parlera même pas de la drogue. On va uniquement parler de jalousie, on va parler de crainte, d'ennui, de peur, de soif d'évoluer, de soif de fusionner, de soif de boire. On va parler, par exemple, d'un exemple très facile de problème. Et là, je ne dis pas ça pour rabaisser l'humain, c'est pas ça. C'est qu'il faut qu'on découvre qu'effectivement, quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas continuer à perdre notre vie, à régler des problèmes qui n'existent pas, et chaque fois qu'on règle un problème, eh bien, on en crée un autre. Je vais vous donner un exemple. Je connais un petit bonhomme qui était assez jeune, et puis c'est un être qui est très intelligent, très brillant, très brillant, très brillant. Le soir, quand il se promène dans le bois, tu le sais, on le voit se promener, il est très, très, très brillant. Et puis, il est en contact suffisamment avec lui-même, donc avec son esprit. Là, il est relativement bien centré sur lui. Qu'est-ce que c'est le problème? Le problème, c'est qu'il a une tendance inébranlable à devenir un enfant ordinaire, donc à se normaliser. Qu'est-ce que c'est que son problème? Ben, son problème, c'est qu'il veut être un enfant à problème. Alors, son problème, c'est qu'il souffre de ne pas être comme les autres, et progressivement, lentement, on voit l'enfant qui a une tendance à cheminer pour devenir un adolescent conventionnel, un adolescent qui va être bourré de problèmes, un adolescent qui va crier sur un bouton qui apparaît là, puis il ne peut plus sortir, il n'est plus présentable. Hein? Un adolescent qui essaye 25 bouteilles dans sa pharmacie, tu sais, bon, puis c'est 3-4 potes à dents, puis bon. Un adolescent qui va progressivement se perdre totalement, se décentrer pour se centrer dans la collectivité. À un moment donné, c'est quoi le problème? À un moment donné, bon, j'y en parle de temps en temps. Et puis là, je décide d'aller fouiller, fait que je vais voir le canal réincarnationnel, puis là, on descend dans l'arme, puis là, on parle avec l'ego. Puis là, je demande à son ego, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais comme... Pourquoi tu veux devenir con? L'ego, il est de voilà, mais pourquoi tu forces l'enfant à véhicule au complet? Et est-ce qu'il l'habite à s'en aller vers un cheminement particulier? Ben, je sais pas. Les égos, ça ne sert à rien, hein? Fait que là, tu reposes la question encore. Puis, à un moment donné, ben là, il commence à parler. Et puis, finalement, ben, pourquoi qu'il fait ça? C'est simplement parce que, il m'explique que dans la famille, il y en a pas mal de brillants. Il y en a trop. Trop de personnes intelligentes. Parce qu'il n'a pas l'impression que lui, ça... Puis là, on continue à jaser. Puis là, finalement, je me rends compte que l'ego me parle, puis il me dit. Et vois-tu, c'est que mon père est très intelligent, très intelligent. Puis mon père, il veut être premier. Puis moi, ce que je veux pas, c'est que je veux pas, finalement, j'aime assez mon père, que je veux pas devenir un adulte qui va supplanter mon père. Je veux pas devenir un adulte supérieur à mon père. Ça va le rendre malheureux, ça va lui faire de la peine. Alors, ce qui fait que je m'arrange donc progressivement pour essayer de dévier de mon intelligence pour finir par être un enfant qui va être... raisonnablement aimable par ses parents, puis qui pourra, les parents pourront dire, ben, tu sais, j'aurais aimé qu'ils réussissent mieux, mais c'est correct. Comme ça, l'ego de son père ne sera pas, à un moment donné, en compétition avec son fils, alors que présentement, l'ego de son père fait tout pour aider son fils, parce que l'ego du fils fait tout pour être dans un état où il aura besoin d'être aidé par son père. Alors, c'est merveilleux. Vous voyez comment c'est compliqué, la vie. Le père fait tout pour rendre le fils intelligent et le fils fait tout pour rester con de façon à donner au père la possibilité de travailler pour le rendre intelligent. Alors qu'au départ, tout est correct. Mais oui, il n'y a rien à faire. Le père n'a pas l'aider, le fils n'a rien à faire, le fils est déjà intelligent. Probablement plus que son père. Et s'il se laisse émanciper, s'il se laisse avancer, puis s'il se laisse aller dans son intelligence, il va effectivement, probablement, devancer de beaucoup son père. Mais du point de vue des âges, le père à 18 ans ne sera pas l'égal du fils à 18 ans. Le fils va être supérieur au père que lorsque le père avait 18 ans. Ouais. Le fils sera peut-être pas supérieur au père là, mais ça n'a aucune importance. Bon. Mais le fils à 40 ans va être drôlement supérieur au père à 40 ans. Mais le père va avoir 60 ans, puis peut-être qu'il va... C'est pas grave. Sauf que présentement, on se rend compte que tout est parfait. Puis que la complexité dans l'ego de la personne, donc du jeune, fait en sorte que lui, il ne veut pas s'émanciper uniquement. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas rendre son père malheureux dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors, ça va faire en sorte que l'enfant va jouer de temps en temps les imbéciles, que l'enfant va jouer de temps en temps les dissidents. Et là, si on voit comme il faut, on se rend compte que finalement, il y a une difficulté de relation affective entre parents et enfants, parce que l'enfant aime trop mal, mais trop bien, trop ses parents. Maintenant, si on va fouiller dans l'ego du père, on découvre plein d'affaires aussi. Puis si on fouille dans l'ego de la mère, du frère, de la sœur, de l'autre frère, on découvre plein d'affaires aussi. Et là, on se rend compte que finalement, c'est compliqué. Si on demande, on sort de l'ego du jeune, puis on arrive devant lui, puis là, on le regarde dans les yeux, puis on lui dit, écoute... est-ce que tu veux devenir con? Il va dire non. Et là, si je lui demande, pourquoi alors fais-tu tout pour devenir con? Ah, mais c'est pas ça que je fais, c'est bon. Le problème, c'est chez l'humain, souvent, c'est que la tête, c'est très clair, puis tout le reste, c'est noir. Puis quand je dis noir, pas négatif, obscur, on voit rien. Alors, c'est ce qui va faire souvent qu'une personne, je parlais dernièrement avec un de mes amis qui veut maigrir depuis des années, puis là, j'y demande simplement, c'est ça, c'est, veux-tu maigrir? Ben oui. Pourquoi tu maigris pas? Ben, c'est parce que j'ai pas encore mis assez d'efforts. Tu t'es inscrit, je pense, à tous les clubs d'haltérophilie ou de conditionnement physique qui existe. T'es abonné. T'as mis l'effort. Moi, je sais bien, mais j'ai pas été. Veux-tu y aller? Oui. Pourquoi t'y vas pas? Mais, cessez de défendre vos égos. C'est un virus. Empoisonne la vie. Son égo veut pas. Son égo veut pas maigrir. Son égo veut rester quelqu'un de petit. Mais sa tête veut devenir quelqu'un de correct. Mais il ne sait pas qu'il ne veut pas maigrir. Maintenant, il sait. Oui, mais c'est parce qu'il... Mais il savait pas. Jusqu'à temps que tu arrives à voir l'ego, jusqu'à temps que lui t'arrivait à voir qu'effectivement son ego travaillait contre lui, mais royalement contre lui. On a déjà expliqué souvent, bon, l'ego finit par s'habituer à la graisse, l'ego finit par s'habituer à du linge qu'on porte, par exemple. Puis après ça, si on veut changer, l'ego veut pas qu'on change. Hein, l'exemple, c'est que tu veux changer ton vêtement parce que ça te va plus. À un moment donné, vous vibratoirement, vous vibrez que vous devez changer votre vestimentation. C'est le magasin pour en acheter, vous faites quoi? Vous achetez deux lacets. Tu sais, on peut pas trop vite, on change trop vite parce que c'est traumatisant. Un mois après, vous allez acheter une paire de souliers. Un mois après, une paire de bas. Un mois après, une robe ou des culottes. Un mois après... Ben oui, mais ce qui va arriver, c'est que quand vous allez être rendu à la tête, vous n'aimerez plus vos souliers. Vous allez passer votre vie à être en train de changer sans arrêt. Alors que si la personne va au magasin, elle change radicalement, puis là, je ne parle pas de finance, c'est un exemple que je donne. La personne va au magasin, elle change radicalement son linge, elle revient chez elle, ce qu'elle pense qu'elle ne porte plus, elle donne ça à des pauvres, elle met ça ailleurs, bon, et puis après ça, voilà. Là, on passait 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, à ne plus changer ça. Ah oui, libre, pour se servir de son changement. Alors que si elle décide de changer bien, bien lentement, elle pourra sa vie à changer. Elle ne pourra jamais bénéficier de vacances dans l'évolution. Parce qu'elle passe sa vie à évoluer, à monter. Et c'est un problème. Il y a 25 marches. Monte-la la course. Monte-la le mieux que tu peux. Si tu montes bien lentement, bien, bien lentement, ben c'est évident que tout le monde est en vacances. Puis quand les vacances sont finies, ben le monde y revient quand tu arrives en haut. Là, on recommence à monter. Tu n'as jamais de vacances. La personne, l'humain, n'est pas encore apte, dans sa conscience, à se résumer ou à accepter l'idée simple de vivre ici, maintenant. Alors, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il vit ailleurs, dans un autre temps. Il est déjà en train d'aligner toute une structure de bifurcation pour l'avenir. Les parents, qu'est-ce qu'ils font avec les enfants? Ils vivent tout aussi ailleurs dans un autre temps. Ah oui, mais dans l'avenir, je veux que ma fille, je veux que mon fils. La majorité des personnes, c'est la même chose. On a les rires. C'est pour rire d'eux autres. Hein? On a tout ce qu'il faut pour préparer l'avenir. Et les personnes vont dire, oui, mais une chance qu'on y pense. Puis une personne âgée va dire, une chance que j'y ai pensé. J'ai dit ça souvent à ma mère, moi, là. Elle a une grosse maison. Ça vaut quelques centaines de milliers de dollars. Et puis, je lui dis, ta maison, là, vends-la. Puis achète une petite bicote, un petit condo. On ne reste plus dedans. Ah, oh, mais je vais vous léguer ça quand je vais mourir. Ben, moi, si tu me lègues, le lendemain matin, je la vends. Mais là, pour ça, elle ne veut pas me léguer. C'est pas de l'argent qu'elle veut me léguer, c'est la maison. Mais je n'aime pas cette maison-là. C'est une vieille cabane. Bon, je n'aime pas la maison. Ça date de 20 ans, au moins 20 ans. C'est une partie d'elle qu'elle veut laisser. Ben oui, elle veut léguer un endroit où est-ce qu'elle va pouvoir venir se promener dans les murs, tu sais, hanter la place un peu pour qu'on se rappelle. Bon, mais c'est pas ça, moi j'ai pas besoin. Alors, mais là, ce que je dis simplement, c'est que vends la maison, soit la vendre 275, 300 000, tu vas t'acheter un petit condo à 80, 100 000, tu sais, le reste c'est bon. Ça va 200 000 en banque, c'est pas vivre. Là, elle dit, oui, mais tu sais, là, j'ai fini de payer la maison, on va recommencer à payer la maison. J'ai dit, écoute, tu as payé la maison pendant 40 ans, puis tu n'avais pas d'argent en banque. Là, tu as racheté une petite maison, tu as payé ta maison, ça va être 200 000 ou 250 000 en banque. Si tu as réussi quand tu n'avais pas d'argent, comment tu peux échouer avec 250 000 en banque? Ça comptait qu'elle puisse te payer constamment en vendant la maison, tu sais, tu t'achètes tout petit. Elle a des locataires, elle a des problèmes. Puis, la personne, elle vit pas ici maintenant, ma mère, elle vit carrément dans un autre monde, dans un autre temps. Bon, là-dedans, parce que ça peut mener, tout à l'heure, tu dis, on parlera pas de ça, mais ça peut mener jusqu'à qu'elle prend des drogues pour pas vivre présentement, mais aussi, il y a un paradoxe là-dedans, parce qu'en même temps, l'humain se sent vivre quand il y a des problèmes. Il se sent vivant quand il y a plein de troubles. Oui. S'il n'y a pas de problème, quand tout va bien, il se sent mort. Voyez-vous, c'est que l'enveloppe, l'écorce de l'être humain est tellement épaisse, tellement non subtile, que présentement, la majorité des écorces, donc des corps physiques, vitales et astrales des êtres humains, ne sont pas capables de sentir la vie. Exactement comme si on vous dit, je mets 3-4 grains de sel dans votre assiette de sauce à spaghetti, puis je vous dis c'est salé. Mais la langue ne peut tellement pas sentir le sel qu'on doit mettre la moitié de la salière. Là, on dit, ah ok, c'est salé. La vie, qu'est-ce que c'est? Mais la vie, c'est une chose qui se sent, qui se vibre sur tous les plans. Et parce que les enveloppes inférieures de l'humain sont trop épaisses présentement, l'humain n'est pas capable de sentir la vie. Donc, l'humain est obligé de mettre beaucoup d'ingrédients. Alors, si l'humain est juste joyeux, c'est pas assez puissant. Mais si l'humain souffre, ça, c'est assez puissant. Là, l'humain sent la vie, alors l'humain se dit « je vis ». Alors, l'humain recherche des problèmes, puis l'humain, l'ego, est totalement assujetti à problématiser la vie, parce que c'est la seule façon qu'il a d'avoir l'impression qu'il vit. Quand les couples disent « oh, mais une chicane de temps en temps, tu sais, c'est essentiel, ça crée la santé dans le couple », bien, moi, je suis en santé de savoir ça parce que je trouve qu'on devrait vivre dans un couple puis jamais se disputer. On n'a pas besoin de ça. Bon, c'est normal que de temps en temps, les parents et les enfants ne s'entendent pas. Tu sais, ça met du piquant dans la vie. Oui, on veut mettre des épices parce qu'on ne goûte plus rien. En réalité, c'est parce qu'on ne goûte pas encore. Mais l'être humain, puis c'est toujours la même chose. Plus vous épicez vos plats, plus vous devrez les épicer, vos plats. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On commence à diminuer les épices, puis on trouve que ça ne goûte plus rien. Mais dans 2-3 semaines, ça recommence à goûter. Là, on diminue encore. Ça ne goûte plus rien. Dans 2-3 semaines, ça recommence à goûter. L'être humain doit faire ça avec sa vie. Vivre ici et maintenant, c'est sine qua non. Pour parvenir à être totalement... Bon, puis l'être humain, quand on parle d'être humain, je ne parle pas de l'humain ou d'animal humain. Quand je parle de l'être humain, c'est la personne qui est suffisamment ascendante pour être capable de conscientiser ce qu'elle vit, ce que je dis et ce qu'elle vit. La personne qui est capable de conscientiser, ça veut dire qu'elle est capable de faire sienne ce qu'elle a entendu d'un autre ou ce qu'elle a lu dans un livre, de moi ou de n'importe qui. Ça veut dire quoi, conscientiser? Ça veut dire qu'à un moment donné, la personne, elle n'a pas l'impression de répéter le langage de quelqu'un. Elle a l'impression qu'elle sait et qu'elle est sûre de savoir ce qu'elle dit ou ce qui se passe dans sa tête. Alors, par exemple, si je dis « il ne faut pas tuer les autres », ben vous ne sortez pas ici en disant « ah, ben Daniel Kim, il dit qu'il ne faut pas tuer ». À un moment donné, ceux qui conscientisent cela vont sortir en disant à quelqu'un « hey, il ne faut pas tuer ». On va dire « pourquoi tu dis ça ?» Ben, il ne dira pas « ben, parce que Daniel Kim l'a dit ». Non, il va dire « parce que c'est ridicule ». Quelqu'un qui conscientise un phénomène est capable d'en parler. Avez-vous conscientisé quelque chose? Vous pouvez en parler. Quand la conscience arrive à une expansion supramentale, c'est-à-dire quand la conscience arrive à un phénomène plutôt galactique, donc esprétique, ben là, on vous posera des questions sur n'importe quoi et vous pourrez en parler. Parce que c'est ce qui est mon cas. Mais quand on conscientise quelque chose, vous conscientisez l'intelligence de la paix, mais vous pourrez en parler. Oh, je ne dis pas en parlant en public, mais si on se rencontre dans votre salon quelque part, puis on jase un peu, vous allez avoir de quoi dire sur la paix. Bon, vous allez peut-être penser que vous répétez des choses, vous ne répétez rien. La conscientisation, c'est que ce qu'on a entendu ou ce qu'on a vécu fait partie intégrale de notre vibration. L'être humain, donc l'être, celui qui est suffisamment ascensionnel, doit découvrir la mécanique qui va l'amener à vivre ici et maintenant, c'est-à-dire à être capable de se contenter de l'instantanéité et à se désassujettir des mécaniques de l'ego qui, elles, ont absolument besoin pour vivre, mais c'est une vie mémorielle, de l'avenir et du passé. Bon, un parent, par exemple, je suis venu de conférence dernièrement à Québec, un parent me dit, voyez-vous, c'est que j'ai des gros problèmes parce que mon enfant, il veut pas aller à l'école. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir? Qu'est-ce qui va arriver plus tard? Si? J'ai essayé très rapidement, mais c'était pas le temps. Les gens s'attendent pas quand on parle du conférence de l'enfant Teflon, parce qu'à un moment donné, on leur explique que vous devriez juste respirer par le nez, puis vous jouez avec vos enfants. Ils ne s'attendent pas à ça, ils s'attendent à ce qu'on leur dise quelle vis allait tourner pour ajuster le jeune. Mais c'est la même chose pour n'importe quoi. Vous avez un problème avec vos enfants, avec votre femme, votre mari, votre patron, votre n'importe quoi, ou votre vous-même. Si l'humain décide de s'arrêter dans sa toupie, dans sa pirouette de vie, à un instant très particulier, qui est le moment présent, tous les problèmes disparaissent. L'humain n'est plus un être problémal. L'humain n'est plus assujetti à la problématique. Et le parent va dire, ben oui, mais demain matin, ils ne voudront pas plus aller à l'école. Et que c'est faux. Chose certaine, c'est que si l'enfant ne va pas à l'école puis que le parent vit suffisamment dans l'instantanéité puis que l'enfant arrive à vivre dans l'instantanéité, de toute façon, l'enfant n'a plus besoin d'aller à l'école. Puis c'est même mieux pour l'école que l'enfant ne retourne pas. C'est pas un problème. Sauf que le parent, lui, assujetti à son ego, puis après ça, on pourra aller fouiller dans l'ego d'un parent pour voir pourquoi il tient absolument que son enfant aille à l'école. Si on rentre dans l'ego, ça m'arrive des fois de le faire dans des conférences, si on rentre dans l'ego d'un parent, puis pourquoi le parent va absolument que l'enfant aille à l'école? Parce que le parent se sent jugé par tous les autres parents, puis par la famille. Le parent, lui, a l'impression que si son enfant rentre dans la normalité, puis je le dis de temps en temps, c'est que l'éducation actuelle, c'est une structure qui permet de faire en sorte que l'enfant n'existe pas. Alors, si l'enfant, on ne l'entend pas, on ne le voit pas, c'est un enfant correct. Bon, l'enfant n'existe plus. Alors là, la personne elle, a l'impression que sa mère, son père, le beau-parent, etc., la famille au complet, va trouver que le parent est raisonnable. C'est merveilleux, c'est correct. Alors finalement, quand tu rentres dans certains égos de parents, tu te rends compte que tout leur travail est fait en fonction de préserver un visuel dans l'avenir, dans le passé, dans un présent qui est très mémoriel, mais ça n'a rien à voir avec la vie. Oui. Il y a cette raison-là. Puis moi, j'ai un enfant prochainement, là, c'est pour ça qu'il y a des questions pour lui. Il y a cette raison-là, puis il y a aussi la raison que le parent peut amener qui est très justifiable, là, selon certains points de vue. Oui, sûr. Selon leur point de vue, c'est que, par exemple, il faut préparer l'avenir. Mais combien de fois vous avez essayé de préparer l'avenir, puis vous n'êtes pas dans l'avenir que vous avez préparé? On n'est pas dans l'avenir qu'on prépare. C'est parce que c'est rien qu'après qu'ils vont comprendre ça. Ah oui, je sais. On est rendu vers la fin finale, là, quand on dit « il vous reste une heure et demie, voulez-vous qu'on vous débranche? » Là, tu te rends compte que l'avenir... Pourquoi les personnes âgées, rendues à un certain pivot de leur vie, commencent-elles à parler du bon vieux temps, n'étant plus capables d'estimer un avenir assez long? On se tourne maintenant vers le passé et on commence à nostalgiser ce qu'on aurait dû faire ou en fait ce qu'on a fait. Il y a des années terribles. En 1937, les vieillards parlaient du bon vieux temps. 1915, 1916. En 1958, les vieillards parlaient du bon vieux temps. 1940, 1935. En 1980, les vieillards parlaient du bon vieux temps. 1957. Là, je comprends, hein? C'est l'année que je suis né, ça. C'est correct. Donc, ce que ça peut aller, c'est du bon vieux temps. Ça. 1990, les vieillards parlent encore du bon vieux temps. 1970, 1960. Mais à un moment donné, il faut qu'on regarde ce qui se passe. Parce que moi, quand j'écoutais des vieillards, quel que soit leur âge, parce qu'un vieillard, ça a 30 ans à mon temps, souvent, des fois, c'est un petit peu plus jeune encore, mais c'est vieillard. Quand ça commence à parler du bon vieux temps, c'est plus ça du tout. Et les vieillards, quand ils parlent du bon vieux temps, je me rends compte que pour certains, il y a un temps détestable. Alors que pour l'autre qui est plus âgé, c'est le bon vieux temps. C'est le bon vieux qui parle du bon vieux temps. Mais quel est le temps détestable? C'est quoi ça? Mais si on regarde le bon vieux temps, en 1930, par exemple, ou encore, tu sais, bon, en 1940 ou en 1915, tu as eu deux grandes guerres mondiales. Tu as eu le krach boursier. Il y a eu toujours des problèmes. Bon, en 83, c'était la fin du monde, selon certaines personnes. Bon, ils ont raison, il y en a plusieurs qui se sont suicidés. C'est comment c'est la problématique de l'humain? Si on prévoit qu'en 93, c'est le début des grands conflits internationaux, on parle d'apocalypse, donc de guerre mondiale, si on dit qu'en 93, c'est ce qui va arriver, bien, tous ceux qui y croient et qui vont attendre 93 avec anxiété et plaisir, ils vont avoir peur. Si la guerre éclate, ils vont fêter. Et si la guerre n'éclate pas, ils sont déçus. C'est l'humain. Parce que l'humain veut avoir raison. Hein, je savais qu'on était pour mourir ensemble dans le feu. Guerre, guerre, guerre. Oh, oh, c'est mort. Mais j'avais raison. Torieux. L'humain, mais on parle juste de l'ego. Parce que qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce que vous avez à voir? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir raison sur le dos d'un autre dans votre passé? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Bien, si vous fouillez convenablement, là, à part nourrir vos égos, vous donnez l'impression que vous êtes quelqu'un qui probablement va quand même mourir un jour, pas nécessairement, c'est pas garanti, ça dépend de comment on avance, mais qu'est-ce que ça donne? Absolument rien. Surtout que si ça donne que vous vous sentez quelqu'un, bien, vous devez savoir que vous allez devoir continuer à entretenir ce quelqu'un-là. Donc, demain matin, si quelqu'un vient avoir raison sur vous, vous allez devoir encore vous défendre. Puis encore, on n'en arrive jamais, on n'en sortira jamais. On ne peut pas penser qu'on peut mener sa vie dans un cercle vicieux où on ne sort pas, où on doit recommencer sans arrêt. Les Tibétains en parlent de la roue de la vie. Bouddha, c'est ce qui l'enrageait le plus, lui. Mourir, naître, souffrir, mourir, naître, l'essence est souffrance, la vie est souffrance, la mort est souffrance. Fait que lui, il a dit, souffrance, il faut arrêter ça. Alors, à un moment donné, il a commencé à faire d'autres choses. Mais ça n'a pas été tout à fait génial, parce que Siddhartha Gautama n'était pas un génie. C'était relié au plan bouddhique, mais c'était pas relié au plan d'intelligence. Alors, à un moment donné, il mangeait un grain de riz par jour. En le regardant en avant, on voyait les vertèbres de sa colonne vertébrale. Déjà, il était très, très, très, très... On avait mis une roche sur ses genoux. Il vantait beaucoup. On l'a pas tout partout au vent. Il était en dessous d'un arbre. Ah, il était maigre. Il fallait qu'il passe deux fois devant le soleil faire de l'ombre. C'était très, très, très vrai. Et puis, à un moment donné, ben là, c'est là qu'il s'est réveillé. Pouf! On l'a appelé le Bouddha, celui qui s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il a fait en se réveillant? Il allait manger. Et là, il a parlé de la voie du juste milieu, subitement. Ça veut dire quoi, la voie du juste milieu, selon Bouddha? Mange pas trop! Mais mange assez. Fume pas trop, mais fume assez. Chiale pas trop, mais chiale assez. Qu'est-ce que Bouddha avait découvert? Il avait découvert que l'humain, il fallait que l'humain continue à faire ce qu'il faisait. C'est ça que Bouddha a découvert. C'est juste ça qu'il a découvert. C'est quoi le juste milieu? C'est relatif à chaque conscience. C'est individuel. C'est pas collectivisable. Il n'y a pas un juste milieu collectif. C'est quand vous mangez, mangez-vous les céleri? Oui. Combien par jour faut manger? Combien par jour faut manger ou combien par jour je mange? Ben, c'est pas mal la même chose. Non, il n'y a pas de juste milieu collectif. On ne peut pas demander à quelqu'un, c'est quoi mon juste milieu? Ben, on devrait dire, c'est quoi ton, on dit, c'est quoi mon. Mais non. Bouddha a passé des années de souffrance, pour se rendre compte que finalement, il aurait dû rester dans le palais avec son père, jouer des prostituées qu'il y avait là, puis se faire servir. Alors, on en a fait un dieu, il s'est poussé de là, sur un éléphant. Puis les dieux avaient mis le main en dessous des pattes d'éléphant pour qu'il fasse de bruit. Puis ce temps-là, les dieux donnent des plus grosses claques, ils ont des grosses mains. Bon. Et là, Bouddha s'est ramassé dehors. Un peu avant, il avait vu un mort, il avait vu un vieillard, il avait vu un malade, etc. Puis un sage, un guide. Puis il est parti comme ça à la recherche de tout. Puis finalement, il n'a rien trouvé. Et puis une fois qu'il n'a rien trouvé, ben, avec son grain de riz par jour, il commençait à avoir faim. Puis à un moment donné, ben, là, il a tout trouvé. Il est reparti en disant à tout le monde, correct, toi. Regardez un autre, vous êtes correct, toi. Je me lève comme ça. C'est bien, lâche pas. C'est tout. Le monde dit, waouh, hey, ce gars-là est correct. Le monde est souvent. Ben oui. Ah oui, il disait aux gens, c'est correct. C'est bien. T'es un bichou. C'est bien, ce bichou. C'est bien. Ils vont faire une source avec ça plus tard en France. On l'appelait Vichy, tu sais, mais c'est pas vrai. Mais... c'est bien. C'est bien. C'est bien. Et puis là, le monde a emballé, emballé. Enfin, quelqu'un qui disait pas, faut que tu jeûnes plus. Faut que tu manges plus. Faut que tu souffres plus. Parce que ça a toujours été comme ça, même dans la religion catholique. Quelqu'un qui disait subitement, c'est correct, là, c'est bien. Ben là, le monde, il suivait. Il s'est ramassé avec plein de monde. Puis quand il est mort, sur son lit de mort, il disait à sa femme qui pleurait. Bordel, t'as rien compris. Ça y est, bon. Hé, hey, sérieux? Il n'y a pas du bordel. C'est du sanskrit, hein? Le mot bordel n'existait pas. Mais il a dit à sa femme, c'est dommage, t'as rien compris. Puis là, sa femme a laissé cesser de pleurer. Elle partait à rire. Pas parce qu'elle avait compris. C'était folle. Mais ça, c'est la vie de Bouddha. Dans les deux sens, c'est la vie de Bouddha. C'était son avis, puis c'était sa vie. C'est la vie de Bouddha. C'était quoi la vie de Bouddha? Être ici et maintenant. Ça veut dire cesser de se casser la tête. Cesser de s'en faire. L'évolution, c'est une chose. La conscientisation, c'en est une autre. On doit bouger. On doit vivre dans une plénitude d'attente active. Tous des mots qui compliquent les choses. Mais finalement, on fait quoi? Parce qu'on est des adultes maintenant. On est des êtres complexes et des êtres compliqués. Puis c'est pas un défaut. Non, c'est pas un défaut. C'est un mot du problème. Mais c'est pas un défaut. C'est un état. C'est comme ça. Mais c'est pas une raison. Quand l'eau coule dans la maison, là, c'est un problème. C'est pas un défaut. C'est pas une merde. C'est pas un ceci ou c'est un cela. C'est de l'eau qui rentre dans la part de toi de la maison. C'est tout. C'est un fait. Ça ne nous empêche pas d'aller boucher le trou. Mais on n'a pas à chioler parce qu'il pleut en dedans. On perd de l'énergie et on perd de notre vie. La vie de l'homme, de la femme, de l'enfant se vit sur plusieurs plans. Le corps physique, s'il meurt, on perd la vie. C'est facile à expliquer. Bon. Quand un individu est dépressif, bien, il y a une grande partie de la vie qui est morte. Parce qu'on ne vit pas juste avec le corps physique. Quand une personne est déprimée, elle est morte. C'est une partie de sa vie qui n'est plus là. Exactement comme si on dit, bon, on a le corps physique, il vit, on a le corps vital vit. On a le corps astral, l'âme, la psychologie, sa vie, ça aussi. On a le corps mental, sa vie. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'on est mort dans un corps, dans deux corps. Puis on est vivant dans un autre. Qui a fait dire à un autre grand bonhomme du passé, n'est-ce pas, ils sont morts, ben on va les enterrer dans 20 ans. Il y a quand même du monde passé, là, puis il s'est rendu compte que c'est pas fort. Vous savez, il y a un mec qui s'est assis devant des personnes qui étaient en train de bâtir une petite maison, une cabane, un cambus. Puis il voyait le monde placer des briques une sur l'autre, puis mettre du ciment, du mortier. Puis il regardait faire. Et puis il s'est rendu compte qu'il y avait le soleil à l'autre bout. Le soleil éclairait la maison, puis les personnages, puis il y avait de l'ombre à terre. Puis il regardait la maison de briques, puis il regardait la maison d'ombre. Les deux se construisaient en même temps. Il y avait des maçons d'ombre qui plaçait de l'ombre de mortier autour de l'ombre de brique. L'ombre de maison. Puis il s'est rendu compte, tu sais, que c'était peut-être la maison d'ombre, c'était le plus important. Celle qu'on voit uniquement quand il y a du soleil. S'il n'y a pas de soleil, plus d'ombre. On voit rien que la maison de brique, qui est froide, qui est rigide. Puis quand le soleil apparaît, la lumière, l'intelligence, le bonheur, mais là, il y a une autre maison qui apparaît. Puis l'autre maison, c'est intéressant. Elle a un avantage sur la maison de briques. Parce qu'il n'y a pas de compétition dans les maisons d'ombre. Mes briques sont bleues, bien plus belles que les tiennes qui sont roses. Si on regarde les maisons d'ombre, tout est noir. Pas de compétition. L'humain doit faire, pour vivre ici et maintenant, l'humain doit être capable, à un moment donné, de faire abstraction des couleurs. Tout à l'heure, je parlais avec une personne, puis il me dit, j'ai rencontré deux personnages. On les voit souvent. Là, je jasais un peu avec. Puis, tabarnouche, ils sont quelqu'un. J'ai dit, oui, hein. Tu les avais jugés comme étant deux débiles mentales la première fois que tu les as vus, hein. Il y en a un qui marche bizarre, puis l'autre a l'air un peu efféminé. C'est comme si c'était un problème d'être efféminé. Hein, mesdames, c'est un problème d'être efféminé. C'est vraiment pas un problème. C'est un problème pour ceux qui regardent. Là, on voit un homme qui est efféminé. Là, on se dit, crime, il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi? Quand une femme semble être comme un gars, c'est beau. Une femme d'affaires qui marche comme un homme, parfait. Un homme semble être comme une femme, c'est un maudit problème. Tu sais, le gars, il aime les enfants comme les femmes. Le gars, il aime s'habiller comme une femme. Mettre une robe, ça dérange quoi? Hein? Les 85% des populations mondiales se mettent des robes. Bon, je parle pas des Écossais, là, je parle de tous les pays où il y aurait des tuniques à se mettre sur le dos. Vous savez, c'est fréquent, les robes. Aller en Afrique, aller dans les pays sous-développés, vous allez voir que les culottes, pour ceux qui en ont, c'est même pas nécessaire qu'ils y mettent. C'est tellement usé. Bon, mais c'est quand même un problème. Mais tout est un problème. C'est ça, c'est quand même un problème d'être efféminé pour un homme aujourd'hui. Non, même pas. Ben, c'est un problème pour les autres. Il vit un problème. Lui, il vit un problème. Non. Oui, parce que c'est un humain ordinaire. Pas d'être efféminé. Ben oui. Mais de vivre avec ça. Mais ça change quoi, hein? Bon, on va dire qu'ici, il y a un tel qui est efféminé, il vit un problème. Lui, là-bas, il n'est pas efféminé. Il a eu plein de problèmes, lui aussi. C'est des canalisations. J'ai de l'eau, j'ai un problème. L'autre, j'ai pas d'eau, j'ai un problème. L'eau sert à quoi? Tu sais, l'argent fait pas le bonheur. Non, l'argent fait pas le bonheur, mais le corps physique fait pas le bonheur non plus. Ta femme, ton mari, tes enfants, ça fait pas le bonheur non plus. Puis ta maison fera pas le bonheur, puis l'air de dehors fera pas le bonheur, puis c'est pas ça le bonheur. C'est un état. C'est un état d'instantanéité. Comment pouvez-vous être malheureux ou être malheureuse si finalement vous vivez maintenant? Vous pouvez pas. N'a pas. La personne, elle se dit, ben, tout va dire. Hein, moi, dis-le donc. Vous allez dire que, ouais. D'un point de vue égoïque, ouais, vivre, qu'il y ait de l'ombre un peu partout, qu'on vive tout avec notre ombre, finalement, ça va devenir plate. Ben, comme l'ombre, c'est deux dimensions, ça n'a pas d'épaisseur, tu ne seras pas épais. Plate dans le sens de fade. Non. Mais c'est quoi fade? C'est sûr que tu as raison dans ce que tu dis. Je parle de point de vue. Je sais, tu parles pour toi, mais pour moi, non. Non, je parle de point de vue égoïque. Fade. C'est quoi fade? Manque d'épices? Exactement. Alors, eh bien, apprends à vivre sans épices un bout de temps, tu vas commencer à retrouver le goût. Une personne qui a passé sa vie à avoir des problèmes, l'autre a des vacances, hein? Puis après, vous êtes parti en vacances, hein? Ça fait un an, vous attendez après vos deux semaines de vacances, là. Il y en a ici qui ont un mois et demi de vacances. Bon, OK. Ceux-là sont plus malheureux que les autres parce qu'ils ont un mois de plus à s'écœurer de leurs vacances. Mais ils ont hâte de revenir. Bon. Peut-être deux semaines de vacances, après une semaine pour vous retrouver, trois jours vous reposer, après ça vous recommencez déjà être rendu à la maison, même si c'est encore en Floride ou ailleurs. Puis combien de personnes arrivent, ah, il nous faudrait des vacances, hein, se reposer de nos vacances. C'est ça. Quand je dis l'être humain, et là, si on fouille dans l'ego d'un vacancier, hein, on rencontre une personne sur le bord de la mer, là, puis on fouille dans son ego. Là, on regarde dedans, puis la personne, elle dit, hop, non, elle est encore heureuse d'être en vacances, elle. Ça fait pas longtemps qu'elle est là, on sort. Tu rends un autre vacancier. Puis là, ce vacancier-là, là, à un moment donné, lui, il regarde plus les coquillages sur la plage. C'est-à-dire, il regarde plus les jolies filles ou les jolis garçons sur la plage. Il regarde plus ça, lui. Ça fait une semaine et demie qu'il est là, il regarde plus ça, là. Toute vue, tenez, la mer, tout loin, là, à un moment donné, là, c'est comment ça fait penser à sa belle-mère, tenez. À un moment donné, qu'est-ce qu'il se dit? Tu rentres dans son égo, puis là, tu vas fouiller dedans, puis tu te rends compte de ce qui se passe. Et la personne, là, pourquoi que déjà là, elle veut retourner dans ce qu'elle voulait fuir? Oui. Tu penses quoi, là? Là, tu fouilles dedans, bien, chaque individu, c'est différent. Puis là, on se rend compte des problèmes qu'habite l'humain. Mais c'est sûrement la même mécanique. C'est ouais. Différent, les raisons sont différentes. C'est la même mécanique, mais tout le monde a des couleurs différentes, effectivement. Mais là, pourquoi la personne ne peut pas continuer à marcher sur la plage comme la première journée qui est arrivée? Parce qu'elle n'est pas ici et maintenant. tu sais, mon billet, là, tu regardes ton billet, là, encore 5 jours, ben, encore 5 jours, encore 5 jours, tu mets ton billet dans tes poches, et puis, aujourd'hui, ça peut pas être aussi beau. C'est aussi beau. Il n'y a rien de changé, sauf dans l'humain. Mais quelqu'un qui vit ici maintenant, n'aura pas besoin d'aller en vacances, ou il ne pensera pas d'aller en vacances, ou... Mais t'es en vacances tout le temps. Comment arriver à cet état-là? Tu sais, quelqu'un va dire, comprenez bien ce que je vais vous dire. C'est l'ego qui a la problématique. Bon, je dis que l'ego, la majeure, le virus humain, n'est-ce pas, une partie de l'âme, ça ne doit pas s'arranger pour penser dans l'avenir. Ne pensez jamais à demain. Vous ne saurez même pas si vous y allez. Alors arrangez-vous donc, bénéficiez de la certitude. Mieux vaut un tien que deux, tu l'auras. Mais l'humain, il a hâte à demain, parce que demain, il va pouvoir passer son temps à penser à après-demain. Il a hâte à demain pour ça. Parce qu'il dit, demain, j'en vois telle affaire. Puis quand il l'a, là, il ne s'en sert pas. Parce que là, il faut qu'il prévoie demain. Ou s'il l'a vécu la journée d'avant. Oui. Tu sais, comme je dis dans le livre Teflon 2, à quoi les Teflons, ils disent ça souvent, à quoi ça sert de passer sa jeunesse à préparer sa vieillesse, pour passer sa vieillesse à regretter sa jeunesse. T'sais, il y a un problème quelque part. Mais là, la personne va dire, écoute, si je pense pas à demain, je penserai même pas aller chercher mon chèque de paye le jeudi ou le vendredi. Je penserai même pas à aller chercher ou à simplement m'arranger pour économiser pour changer d'automobile à un moment donné. Ça va devenir irresponsable. Ça va devenir responsable de ce que tu as. Comme tout le monde est responsable. Ah, mais ça peut être une crainte. Oh, ouais. Mais ce qui arrive simplement, c'est que, c'est pour ça que je dis, vous devez vous asseoir de temps en temps, puis préparer l'année prochaine. Vous devez vous asseoir de temps en temps, puis préparer votre prochaine vacance. Absolument. Mais vous devez vivre ici et maintenant quand vous faites ça. Comprendre l'idée. Moi, je m'assois avec des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, puis on entend travailler sur un projet. Et puis là, à un moment donné, qu'est-ce qu'on se dit? Bien, on prépare maintenant un projet, puis on aimerait que ça aboutisse dans 3 mois. La personne qui est là, ouais, mais tu sais, dans 3 mois, là, je sais pas trop si. Oh, relax, t'es rendu dans 3 mois, puis tu connais rien. C'est pas ça, être ici maintenant. Être ici maintenant, c'est. Il y en a un qui parle, à un moment donné, là, on commence à fatiguer un peu, fait qu'il y en a un qui dit, on va-tu faire une marche dehors? Tout le monde est d'accord. On vit ici et maintenant. Ça ne nous empêche pas de préparer lucidement d'autres possibilités mécaniques. Mais l'humain vit émotivement dans ses préparations, au lieu de vivre émotivement dans l'instantané, puis de préparer d'autres choses. L'école appelle à la maison, mais pas l'école, quelqu'un dans l'école, bon. Là, oui, votre fils, votre fille, il a encore fait une saloperie, puis gna. Là, t'es déjà projeté à 4h30 quand il va arriver à la maison. Puis si c'était bien grave, mais 6h30, ben je vais en retard. Bon. Puis là, t'es déjà projeté. Tu es pas ici maintenant. Mais le parent, l'être humain qui vit dans l'instantanéité, donc dans le ici maintenant, ben, il continue à faire son ménage, il continue à faire ce qu'il a à faire. Il n'a pas à se projeter émotivement là-dedans. Ou il s'assoit sur sa table, ou sur sa chaise, puis là, il commence à dire, quand il va arriver, qu'est-ce que je devrais faire pour que tout soit correct? Aller au cinéma avec lui. Il passe une mauvaise journée à l'école, on va aller s'amuser un peu. Puis un être humain heureux, ça règle tout seul ses problèmes. J'ai pas besoin de m'en faire pour l'aider à régler les siens, puis on s'entend plus, puis on rappelle l'école, puis on a peur des parents, puis on a peur des voisins. Un être humain heureux, ça va bien, ici et maintenant. Maintenant que tu as trouvé ça, tu continues à faire tes cossins. Quand l'enfant arrive, bonjour, tu vis là. Qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Là, tu es dans hier encore, dans un autre temps, dans un autre moment. Tu sais, c'est très simple, vivre ici et maintenant. Ça ne rend pas l'être humain infonctionnel. Ça le rend très fonctionnel, mais en plus, il va être joyeux. L'ego ne fait pas confiance à l'humain. L'ego ne fait pas confiance à l'intelligence. C'est la partie qui doute que ça puisse se faire, ça. Peux-tu l'expliquer? Ben, explique ça au monde, là. Comment ça se fait? Si moi, je te vends un médicament, puis j'en vends à tout le monde, Les statistiques prouvent que 99% de médicaments ne fonctionnent pas. Peux-tu expliquer comment ça se fait que depuis près de 30 millions d'années, les gens continuent à en acheter du médicament quand même? Même si tout le monde sait qu'il ne fonctionne pas. Ben bon. Combien de vos prières ont été exaucées? Mais les gens continuent à prier. Ça semble une technique qui ne marche pas. À un moment donné, tu changes de cap. Comment ça fonctionne? Mais ça fonctionne comme ça. Quand quelqu'un est content, « Hey, j'ai gagné 1 million! » Il devrait dire, « Hey, j'ai toutes vos pièces! » Ben oui! « Merci! » Là, je sais pas, continuez à l'acheter. Mon chum va en avoir. Comment pouvons-nous expliquer que dans le domaine humain, les recettes qui fonctionnent le moins sont celles qui sont les plus appliquées? Vous vous fiez à vos égaux. Vous vous fiez à autrui, aux pensées des autres. Puis on n'est continuellement pas dans la vie qu'on aimerait avoir. Il faudrait commencer à s'essayer d'essayer d'autres choses. Mais pas risquer de 90% positif. Ah oui, tout est mauvais. Non, mais il y en a qui disent à un moment donné, j'ai acheté des livres d'alimentation, puis après ça, ils ont dit que le sucre n'était pas bon, puis il y avait du cholestérol, puis il fallait faire attention. Puis après ça, 10 ans après, le cholestérol, on en fabrique plus qu'on en mange. Fait que là, on fait quoi? Après ça, on se rend compte que la margarine, c'est de la margarine, finalement. Bon, c'est un paquet d'affaires, puis là, tu sais plus, puis tu sais plus, puis tu sais plus. Il serait pas le temps de commencer à essayer quelque chose qu'on aurait peut-être chez soi, puis qu'on n'a jamais essayé d'aller voir. Je ne parle pas de la pensée. La pensée, c'est l'ego. On se fie uniquement à notre ego. Les personnes hésitent. J'aurais donc dit, écoutez ma première intuition. Ben oui. Fait combien de fois tu répètes ça? Oh, j'ai pas compté, fait. Je sais. Pourquoi? Ben, dis-le plus, ça sert à rien de le dire. Tu sais, tout ce que tu veux me communiquer, c'est que là, j'ai tort, tu sais. Mais j'aurais pu avoir raison. Oh oui. Si je me serais écouté, j'aurais eu raison. J'ai raison quand même si je me suis trompé, c'est correct? C'est ça que les Legos communiquent. J'aurais donc dû écouter ma première impression. Tu sais, oh, je le savais. Un peu comme les personnes, je devrais-tu investir en bourse? Elle me dit oui. J'ai investi en bourse. Crac. Je le savais, j'aurais pas dû l'écouter. Je le savais. Tu le savais, là. Pourquoi tu l'as écouté? Puis regardez la personne. Elle va aller fier un autre coursier, un autre courtière. Ah non, je crois pas. Elle le savait tout le temps. Combien il y en a qui ont su qu'il y avait un crack boursier? Les astrologues qui ont perdu de l'argent à bourse, il y en a un maudit paquet. Et puis j'en connais personnellement. Il y en a même un aujourd'hui, là, il n'investit plus à bourse. Non. Tu payes 5 000 $ pour avoir ses cartes. Toi, investis. Lui, investit plus. Sérieux? Tu fais de l'argent. Mais comment une personne peut suivre un astrologue qui n'investit pas? Dans le cosmique, dans l'absolu, au niveau avec une vision cosmique, l'astrologue, qui est un gars très, très, très, très correct, a raison. Si lui investit, il va tout aller tromper, mélanger l'astral en haut, puis il n'y a plus rien qui va fonctionner. Si lui n'investit pas, bien les investisseurs sont capables de faire de l'argent. Il faut que le gars soit puissant pour se dire, « Ah, t'es riche maintenant, là, oui, t'es riche, tu vois, tout là. » Puis, bon, ben moi, il ne faut pas que j'investisse. Il faut que le gars soit solide. Parce que quand il commence à rendre du monde riche, il se garoche pour investir, puis il perd toutes les 5 000 qu'il avait ramassées. Il faut que lui investisse pas. Mais les autres n'ont pas la conscience de se rendre compte qu'il y a comme un problème. Mais l'humain va continuer à se fier à des choses qui ne fonctionnent pas sans arrêt. Je connais un bonhomme où il reste à Chicoutimi. Son patois, c'est pas tabarné, etc. Son patois, c'est l'astral frappe dur. C'est son patois. On l'a entendu de loin. Il dit, ah, l'astral frappe dur. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, il y a eu une crevaison. Il dit, ah, l'astral frappe dur. Et son crayon est plus d'angle dedans. Dit, ah, là, c'est bon. C'est ça, on peut pas. Lui, il s'est acheté une automobile d'une marque très connue, qu'on ne parlera pas. C'est déjà assez connu comme ça. Puis, il a brûlé la transmission après un mois. Bon, il a changé la transmission, il l'a brûlé encore. Là, finalement, il a dit, ah, je n'achète plus cette marque-là. Et il a acheté la même marque, mais un cran plus haut. Puis, il a passé tout, il y en a 7, je pense, il a tout fait au complet. Ah, là, je n'achète plus, là, c'est pas bon, je t'ai écœuré. On le voyait qu'il y a un autre char, mais marque. C'est un peu comme si on disait, mettons, Renault, parce que Renault G, Renault GT, Renault GTL, j'ai tout passé. Jusqu'en haut. Puis finalement, là, il est rendu avec, à tout bout de champ, il savait, ma machine japonaise, ma machine japonaise. Vous pouvez parler d'une geisha, parce qu'il n'a jamais acheté de tout japonaise. Il ne sait pas, en tout cas, c'est une machine japonaise, on ne l'a pas vu sur la route. Là, il est rendu avec un autre char, puis c'est toujours pas correct. Le gars, il aime les problèmes. Mais là, si je parle à lui, ben non, il n'aime pas les problèmes. Vous non plus, il n'y en a pas un ici, ou pas une qui aime les problèmes. Que son, on va voir dans son ego, on commence à jaser avec l'ego, on va se rendre compte que pauvre type. Mais c'est le cas, de tout humain habité par un ego. Oui. Donc, de s'arranger pour être dans le trouble. Oui. Être ici maintenant, c'est la façon la plus évidente, sans grand cours philosophique, de régler la problématique. Être ici maintenant, là, ça veut simplement dire, là, vous êtes là présentement, là. Bon. Savez-vous que la chaise a quatre pattes? Non, hein? Pas nécessaire qu'on le sache. Hein? C'est tellement plus simple. Savez-vous qu'il y a du monde qui roule en automobile dehors? Non, pas nécessaire de savoir ça. Ça sert à rien, ça. S'il y aurait un missile qui se dirigerait vers l'hôtel, là, c'est utile qu'on le sache. La personne qui vit ici maintenant, ça le saurait. Elle n'aurait pas peur. Elle s'en irait à la place. Quelqu'un dirait, pourquoi tu t'en vas? Ah, il n'expliquerait pas le temps. Elle s'en irait. Ah ben, tu ne prends pas le temps d'expliquer à ceux qui ne comprennent pas. Mais est-ce qu'elle saurait? C'est toujours du temps perdu, ça coûte cher. Mais comment tu expliques ça? La personne s'en irait parce qu'elle... Elle sait pas pourquoi que ça va, mais elle s'en va. Oui, mais elle sait qu'elle s'en va. Elle sait que c'est le temps qu'elle sort. Elle s'en va. En tout cas, un jour, je m'en vais en plein milieu d'une conférence. Suivez-moi pas, je m'en vais aux toilettes. Bon. Mais ce qu'on doit comprendre, simplement, c'est que l'être humain qui vit ici et maintenant, il est bien. Pourquoi il est bien? Il est bien quand vous êtes bien présentement. Pour ceux qui sont bien. Il y en a qui se disent, ouais, mais ça règle pas mes problèmes de... Ils n'ont plus de problèmes. Ah oui, mais je n'ai encore, ils en puent. Suite, là, ils en puent. Ça ne réglera pas ceux de demain. Mais quand tu vas arriver demain, ce fois-là, ils vont être remis à demain. Ça ne vous empêchera pas de dire, ouais, mais il faut quand même que je paye mon gérant de banque. Oui. Mais ce n'est pas un problème, ça. C'est pas un problème de le payer ou de ne pas le payer. Comme dit souvent Charles, t'es habitué que ça. C'est son problème à lui, ça, que je ne le paye pas. Pas le mien. C'est vrai. Puis si le gérant, lui, il est bien relax là-dedans, puis il se dit, écoute, si on perd l'argent, on perdra l'argent. Fait partie du jeu. Puis si on perd pas, on perdra pas l'argent, fait partie du jeu. Là, il sort, puis il va voir une caissière, puis il dit, bonjour, comment ça va? Lui, il vit ici maintenant. Il vivra peut-être bien pas longtemps. Non. S'il vit ici maintenant, il n'y a aucun problème. Quand un bonhomme, une bonne femme va arriver pour emprunter, il va savoir s'il est prêt ou pas. Bien simple, puis il se trompera pas. Lui-même ne fait pas confiance à ça. Imaginez, là, par exemple, je prends une balle, puis je vous la lance. Allez-vous réfléchir bien avant qu'elle arrive? Il y en a plusieurs qui vont réfléchir, hein? Ils vont l'avoir filmé. Toute la vie, c'est comme ça. Celui-là qui se tasse, au lieu de réfléchir, lui était là maintenant. Il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas de bon, non. Dans le livre de Stetset, il y a un appareil, à un moment donné, qui existe dans là, 120 millions d'années en arrière. Ça se pilote bien simple, tu penses. Il y a un oculotransmetteur, c'est un appareil qui se met en avant, puis ça communique, ça lit à travers l'œil, ça lit ce qui se passe dans le cerveau. Puis quand la personne elle décide de... Les moteurs doivent s'allumer, automatiquement ils s'allument, l'ordinateur le sait. La personne elle décide qu'elle s'élève, elle s'élève. Puis là, la personne, elle pense à tourner, elle tourne déjà, tu sais, elle s'en va, comme le cerveau fonctionne. Il y a un jeune qui essaye ça. Dans un simulateur, il disait, hey, ça va être facile. Il part, on donne des sens le bord d'un lac. D'un coup, il y a une tête de brachiosaure qui sort, hein, 120 millions d'années en arrière, fait que c'est pas un cheval. Et puis, à un moment donné, ben là, quand la tête sort, il se rend compte qu'il se dirige droit dedans. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Tout l'appareil se met à trembler. Elle tremble. Puis là, c'est l'écran en avant, vous venez de vous écraser. Là, il sort de là, puis il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fonctionne pas. Fait que la personne qui l'entraîne a dit « Oui, ça fonctionne. Tu as pensé à aller à gauche, à droite, en haut, en bas, en même temps. » Fait que l'appareil s'y met à trembler, elle a essayé de tout faire. L'humain fait la même chose sans arrêt. L'humain est toujours mal pris à ne pas contrôler. L'humain est toujours mal pris à trembler. Je ne sais plus quoi faire. Je vous lance la balle, là, qu'est-ce qui se passe? Mais votre corps, il va à gauche, il va à droite, il se penche, il se tasse, il fait tout en même temps. On appelle ça une tétanisation. Tous les muscles travaillent pour rien. Grosse perte d'énergie. Puis en plus, après, il faut que tu chiales après l'autre. Parce que tout est correct, là. C'est de lancer la balle dans la face, c'est pas parce que c'est pas tassé, c'est parce qu'il l'a lancé. C'est tellement évident. Et quand il y a un glaçon qui tombe des toits, on chiale pareil. Pas après le toit, mais après toi. On chiale après l'autre, on chiale. La tétanisation, l'être humain qui est ici maintenant, qui est spontané, il vit simplement. La vie est facile. Tu sais, à un moment donné, il fait chaud. Ben, qu'il fasse chaud, on le faut. Pas nécessaire d'en faire un discours philosophique. Il fait chaud. C'est tout. Oui, il fait chaud. Oui, il fait chaud. Oui, il fait chaud. Il fait toujours chaud, hein? Ah oui, il fait chaud. C'est tout. OK, mais gardez vos énergies pour vous refroidir. Il fait chaud. J'ai connu à un moment donné ce problème dans un hôtel. Puis, fait que, c'est chaud, hein? C'est sûr qu'il répondrait. C'est chaud, hein? C'est vrai. Et on ne peut pas simplement se contenter de transpirer. En plus, qu'on le dit à tout le monde, il sort, c'est pas la seule chose, c'est tout le monde. Non, mais c'est sérieux. C'est tellement simple, la vie. Ah merde, j'ai échappé de la moutarde. Ah! Ben oui, t'es échappé de la moutarde. Pourquoi en faire un discours de vie? T'es échappé de la moutarde. C'est de la moutarde. Puis c'est inversant. C'est de la moutarde. Gratte-la, mange-la, mets une saucisse dessus. Je sais pas, tu sais, j'avais pas. Mais ça sert à quoi d'en faire un sermon? Rien. Là, tu cours en courant, tu pars en courant. J'ai vu une personne, à un moment donné, elle avait échappé un peu de sang sur elle. Dans la cuisine, dans la chambre de bain, dans sa chambre, elle cherchait le produit. Le produit, c'est de l'eau. Ouais, quand tu viens de mettre du sang sur ton linge, tu mets de l'eau dessus, ça va être correct. Là. T'as de l'un bord, puis de l'eau, puis là, ben c'est ça. Là, t'es en tétanos. Là, ça tremblait. L'ego demandait plein d'affaires en même temps. La simplicité, hein, être simple. Vous cherchez vos souliers. Ben oui, vous cherchez vos souliers. Ah bon, Dieu, je les ai bien encore! Ça sert à quoi? Être ici maintenant, c'est quoi? C'est d'être là. Bon, tu marches lentement en te laissant trouver ce qu'ils sont. Tu arrives à côté de la table, tu vois le sandwich, tu le manges. Ah ouais! Alors vous continuez, vous arrivez devant votre bol de céréales, vous le mangez. Sûr! Là, vous continuez à chercher vos souliers, ça va au salon, c'est pas là, vous en profitez pour placer le cendrier, t'as qu'à passer. Là, vous continuez à chercher vos souliers, vous ramassez votre vaisselle, vous allez voir où c'est la cuisine, vous serrez la vaisselle dans la vaisselle, vous continuez à chercher vos souliers. Imaginez, peut-être, vous allez partir du pied, mais la maison va être propre. La maison va être propre. Fait que ça fait un paquet d'affaires de régler d'un coup. Quand tu mets tout contre tes souliers, tu te rappelleras pas qui tu voulais faire avec. Ben c'est ça. C'est tes souliers, puis c'est plus pour toi tes boulets. C'est tellement. Quand j'ai quelqu'un, t'achètes une automobile neuve, là, puis t'es stressé, t'as peur qu'on la poque, là. Sors ta clé, fais une gratine dessus, c'est réglé. T'es heureux. La vie est belle. Plus peur, plus de danger maintenant, elle est déjà écorchée, ça, Robin. Hey, c'est comme ça qu'on doit vivre. L'humain qui vit ici maintenant, mais il commence à se conscientiser. Il découvre des choses. Il commence à vivre sérieusement. Parce qu'il se prend plus au sérieux. Il est libéré. Ça va bien. Fait que là, il arrive quelque part, il y a un problème. Devinez ce qui m'est arrivé. Un petit peu. Combien de charges je dois? Tu sais, il m'a dit ça à quelqu'un. Tu sais, votre mari, votre femme rentre, là. Ah, maudit, ça va mal. Devinez ce qui m'est arrivé. T'es un peu, j'ai combien de chances? C'est ça être ici maintenant. Ben, il m'a dit, c'est ça de niaiser, là. Mais non, mais je me demandais de deviner. Moi, j'étais arrivé. Un météorite est tombé sur le taux. Puis il n'y a pas de kryptonite dedans. C'est pas ça? Je cherche quelque chose. C'est tellement facile, agréable, plaisant de vivre ici maintenant. Puis stress. Puis le temps de stresser. C'est tu es ici maintenant? Change de question. Se prendre au sérieux. Faut être fort, maudit, que tu parles au sérieux. C'est quoi? Se prendre au sérieux. C'est quoi qui se passe exactement Quelqu'un qui se prend au sérieux. Une personne qui se prend au sérieux, c'est une personne qui se considère comme étant le foyer central de la création. Quand il pleut, là, en maudit, il pleut encore. T'sais, Dieu devrait faire pleuvoir ailleurs parce que monsieur, madame sort. Tu sais? Bon. Maudit que c'est les choses qu'il a fait là. Ben oui, c'est les choses qu'il a fait là. Deviens plus froid. Elle se prend au sérieux. Elle ne peut pas vivre sérieusement, la personne qui se prend au sérieux. Hein? Ah, il neige encore! Torieux, tu sais, on est au Québec, on est en plein milieu de l'hiver. Tu devrais t'attendre à ça, ce qui neige de temps en temps. Si une personne, elle me dit que j'ai hâte que l'été arrive, c'est pas grave, l'hiver s'en vient. Ben oui, parce qu'après l'été, c'est bon, Noël est fini. Eh oui, Noël, Noël arrive, Noël est proche. On se dirige vers le prochain Noël, dans 364 jours. Se prendre au sérieux, c'est une personne qui, justement, crie parce qu'il y a de la moutarde sur son manteau. Ça vous dit déjà arrivé de saler votre linge? Hein? Ça a changé votre vie? Ça fait longtemps que vous l'avez jeté, ce linge-là, hein? Ça vous a fait la peine d'en faire un plat, cette époque-là? Même pas. Même pas. L'hiver de contact, j'en ai perdu un paquet. Mais pas à cause qu'il se déchirait. À cause que je me jase trop souvent auprès des bords d'un feu avec du monde d'éthique à ton camp. Puis là, il faut que je mette du bois dans le feu, puis faut que je mette les yeux fermés pour pas sécher vers le contact, puis là, c'est dangereux. Fait que j'ouvre, puis là, il est bon. Je connais une personne, mais pire que ça, elle les lave. Pareil, son plat. Après ça, elle se dit, merde, les verres de contact. Elle en a acheté un de ses paquets de verres de contact, parce qu'elle lave, là, après ça, elle verse l'eau. Mais elle sort pas de dedans. Dans le lavabo chaque fois. Sérieux, pas là, ça. C'est une personne qui a pas beaucoup d'argent. Mais c'est que de le dire, elle la voit pas, ces affaires. Mais, non, mais c'est vrai. J'ai dit, mais quand tu lances des verres de contact, écoute, lave-les avec tes lunettes. Tu sais, au moins, tu vois, quand ils sont dedans, les pensées. Et les autres, ben, ils lavent les produits, comme ils l'ont, après ça. Chaque fois. Donne-le plus à des lunettes. Ça ne passe pas par le trou, ça, du lavabo, tu sais. À des lunettes, maintenant. Mais regardez ce qu'on veut comprendre. Se prendre au sérieux, c'est quelqu'un qui est toujours en train de chioler. J'ai dit souvent, c'est chioler. Mais c'est facile, tu sais, de le dire. C'est compliqué de le faire. Se prendre au sérieux, c'est quelqu'un qui est stressé parce qu'il est en retard. Tu sais, le temps, c'est une illusion. Quelqu'un qui est ponctuel, là, c'est quelqu'un qui attend. Oui, d'après l'autre. Toujours en retard. C'est quelqu'un qui est ponctuel, c'est quelqu'un qui attend. Ah, vous savez ça dans votre vie. C'est correct d'être à l'heure. Mais c'est encore plus correct d'être ici maintenant. Là, vous marchez, il y a du trafic, il y a de l'embouteillage, tu sais. Bon, coke est là-bas, là, puis il y a l'embouteillage. On est en train de mettre ça des bouteilles. Bon. Puis là, vous, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous attendez. Vous mettez de la musique. Vous ouvrez votre fenêtre. Faites signe à l'autre. Ben, ta fenêtre, là, vous lui dites. Comment ça va chez vous? Ben, ah, c'est le temps de parler avec du monde, là. Là, il va refermer sa fenêtre ici, t'as mis, là. Regarde. Et puis, il va avoir chaud. C'est une belle automobile. Pas mal beau. Et là, dites pas ça, s'il y a une Lada, il va passer vous le niaiser. Là. Mais, pourquoi se stresser? Vous êtes pris, vous êtes en retard, il n'y a rien à faire. Rien à faire, il y a plein à faire. Vive. Hey. Pourquoi pas? Bon, mais mon siège, c'est inconfortable, puis il ne faut pas avancer plus vite en avant, là-bas. Ça vaut pas la peine. Se prendre au sérieux, c'est ça. C'est ça, se prendre au sérieux. Ah, tu m'as fait peur! Ah, tu m'as choqué! Ah, cesse de niaiser! C'est ça, se prendre au sérieux. Ça, c'est se prendre au sérieux en maudit, ça, là. On a un bouton de trop d'en face, on n'est plus capable de sortir. Ça, c'est se prendre au sérieux. Quelqu'un qui a une barbe, là, un couple de barbe à moitié, on dit, il passe une semaine comme ça en vacances. Pas capable! Prends au sérieux! Pas n'importe quoi! Prends au sérieux! Ça, c'est se prendre au sérieux. Parce que finalement, hein, quand moi j'ai eu une barbe, j'étais dans la jungle, puis je me rasais pas dans la jungle, moi. Puis quand je sortais de là, moi, t'es pas rendu compte, hein, pas de miroir dans la jungle, on à un moment donné, on sent bien qu'il y a des affaires, tu sais. Je sais pas si c'est sale ou si c'est de la barbe. Puis quand je suis sorti, je me suis mis dans un miroir, j'ai vu que j'avais une grosse barbe. Je suis revenu ici en plein milieu de l'hiver, me laisse pas couper, j'aurais eu l'air fou, c'est tout gris en haut, tout blanc en bas. J'ai gardé. Le monde aura posé plein de questions. Comment tu fais ça, votre bronze de même? Alors, je l'ai pas coupé. Mais quand je me suis dit qu'une barbe, c'était plus moi. Mais Quand est-ce que c'est nous autres? Quand je me l'ai coupé ma barbe, ma femme et ma fille ont broyé. Ma femme a dit, je ne peux plus coucher avec toi, je ne te reconnais plus. Mais c'était pas... Tu sais, j'ai commencé à la couper la barbe, hein? Tu coupes ça au complet, là. T'es ici pendant une semaine ou deux avant, là. Okay, mais avant, tu n'avais pas de barbe. Pourquoi maintenant, c'est compliqué de le couper, la barbe? Là, t'en coupes un peu, t'en coupes la moitié, tu sais. Pour voir ce que ça donne. Une fois que t'as vu que ça donnait, tu te dis, là, puis je continue. Tu coupes l'autre moitié. Finalement, après ça, ben, deux jours après, c'est correct. C'est tellement, se prendre au sérieux, c'est un poison mortel. Et, mesdames, vous perdez un talon après vos souliers à talons. Puis, c'est-tu un si gros problème que ça? Et les maudits canals, les maudits trottoirs, les maudits tapis, les maudits... C'est pas grave. C'est pas grave. Mais se prendre au sérieux, c'est ça. Se prendre au sérieux, là, c'est grave. C'est grave. Il n'y a plus d'électricité. Ça chiale tout de suite. Puis une demi-heure après, c'est le fun. Hein, de temps en temps, quand on n'a pas d'électricité, on met une chandelle. Bon, l'électricité revient. Bon, elle est revenue. Pouf, on repart. Ah, maudit. On chiale comme tout à l'heure. On repart au point zéro. On chiale encore. Ça, c'est se prendre au sérieux. C'est pas se prendre au sérieux. Tu écoutes la télévision, là. T'as aucune panne de courant. Flou. Tu t'accotes. Non. Ben, tu voulais passer deux heures, là, à rien faire. Télévision, pas télévision. Fais ici les yeux, tu regardes les étoiles. Pas au sérieux. Là, ça revient. Là, tu regardes ton vidéo, hein, encore, j'ai juste l'heure. Ah oui, là, la question, enregistres-tu des fois avec? Jamais. Ben, juste pas l'heure, ça sert à rien. Et relax. Non, ben, juste l'heure, c'est tout. C'est tellement bénin la vie. C'est tellement facile. Il y a tellement de choses importantes, intéressantes à faire. On doit cesser de faire ce qui sert à rien de faire. Bon, tu sais, comme je dis souvent aux parents, tu renverses de l'eau sur une table. Là, immédiatement, c'est la panique. Ça sèche. Ouais, mais c'est du café. Là encore, c'est quelque chose qui va marquer ma nappe. Va marquer ta nappe, oui, bon, ben relax. Plus rien à faire. Non, c'est vrai. Ça sert à quoi? Il suit ce qui est aux alentours, puis ça vient là. Tu sais, quand c'est vos enfants qui renversent de quoi, là, on chiale, hein? Quand ça visite, là, c'est pas grave. Mais pourquoi on n'est pas capable de vivre la même situation quand c'est nous autres? Pas grave non plus. Pas grave, relax. Ils sont bien. Dernièrement, moi, j'ai manqué un paquet de conférences. J'ai rencontré des médecins, ce qui fait que je me suis remonté à l'hôpital. Ces conférences-là, ben, ça... Y aller. On a envoyé du monde, deux que t'es cancellé, deux que t'es remis, puis moi, ça m'empêche pas de guérir. Ça fait une mois. C'est pas grave, cette affaire. C'est pas grave. Après ça, dernièrement, je suis en train de voir un bonhomme qui avait reporté la conférence. Et comment ça va, M. Kim? Comment ça va la santé? Ah, moi, ça va très bien. Depuis ça marche beaucoup comme ça. Les automobiles qu'on a, on les change. Les maisons qu'on a, on les change. On change de linge, on change de vie, on change de vie. C'est à travers tout le lot complet. La seule affaire qu'on change pas trop, c'est nous autres. On devrait changer, nous autres. Puis c'est à vivre ici, maintenant, ça veut dire ça. Tout à l'heure, vous sortez là, plein d'inconnus et d'inconnus. Hein. Qu'est-ce qui vous empêche de jaser avec le monde? On peut s'essayer. Ça, c'est instantané. Quand c'est pas un ami, il sait pas où tu restes. Il donne pas tes coordonnées. Marchez tout seul, là, il est belle. Imaginez, vous arrivez dans le métro par l'escalier roulant, là, puis ils descendent tout, t'es sérieux aujourd'hui. Parfait. Il reste assis en bas, attends qu'il remonte de bord. Ben non, monte, c'est pas grave. C'est on fait une pause, on vient, vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous nous écrivez.